Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Ils sont déjà à l'intérieur. Ou ils auraient besoin de se rapprocher. C'est vrai. À la vitesse à laquelle ils vont, est-ce qu'ils nous rattrapent dans combien de temps, d'après Alors, les calculs d'ordinateur? Selon toute vraisemblance, quand tu fais ton calcul, pour vous rattraper à la vitesse où ils vont, il faudrait genre 50 ans. Et pas forcément de nous rattraper entièrement pour être à notre niveau, mais d'être à portée, en imaginant qu'ils ont les mêmes portées que nous, pour être à portée de nous de tir. Est-ce qu'ils... Ah bah, c'est grosso merdo, allez, 45 ans. Ok, d'accord. Voilà, avec la vitesse actuelle qu'ils vont, hein. C'est vraiment, ils vont quand même tirer jusqu'à 5 ans autour de nous, alors. Voilà. Hasta la vista, baby. Dans 5 ans. Très bien, bon. Il va falloir surveiller ça et être prêt, parce que je sens qu'ils vont nous faire une deuxième accélération bientôt. Ok. Tu veux que, je sais pas, on se mette à organiser des veilles? Comme ça, s'ils le font pendant que l'un d'entre nous dort, eh ben on le verra quand même. Ouais, je pense que ça va être nécessaire pour surveiller. Bah let's go, hein. Ou alors ça veut dire qu'ils ont déjà gagné la guerre psychologique contre nous et qu'on est déjà en état de stress. D'ailleurs, faites-moi un jet de mental. Ça veut dire... D'ailleurs, au passage... Ah merde, mauvais dé. 9. Enfin, un. Ou 92. Oh, putain, si on... Un mental d'acier, mental d'acier, là. En gros, vous êtes résolu, et tu vois que Richard, Dan, il est encore plus résolu que toi, Wade. Il est vraiment remonté. Alors, est-ce que c'est son instinct de Yankee qui se réveille, tu vois, le gars qui, voilà, s'il sait que la baston est proche, il est en mode voilà, je suis prêt pour un nouveau peuple à coloniser, et là ça, ça motive. Je déteste tout ce qui n'est pas américain. Et qui vient de l'espace. voilà. Donc, vous êtes a priori en parfaite condition mentale pour le peut-être futur combat qui s'approche, hein, doucement, très lentement de vous. Et c'est dans cet état d'esprit, en gros, que vous allez vous coucher. Voilà, donc la journée d'après, donc la journée 39, hein, le jour 339, pardon, c'est pareil, vous êtes encore dans la tension. Et a priori, le vaisseau, le ping, quand vous regardez, et ça n'a pas bougé, c'est toujours la même distance, la même vitesse, donc ça n'a pas évolué. Voilà. Et vous vous couchez encore dans cet état d'esprit. Le jour 340. Toi, Wade, tu es en train de bosser au niveau de ta salle d'entraînement. Donc, tu es à fond, tu sais que tu vas peut-être en avoir besoin très rapidement. Donc, tu es toujours dans ton entraînement de nettoyeur. Tu fais beaucoup d'exercices. Et de ton côté, Richard, toi, tu es à la passerelle et tu surveilles. Hein, et donc, vous alternez comme ça, s'il y a de la maintenance à faire. Ben Wade, il vient à la passerelle et vous interchangez. Et là, du coup, Richard, c'est toi qui es la passerelle en train de surveiller ce qui se passe. Voilà. Richard, tu es en train de regarder le radar. A priori, rien de spécial. Et il y a une pensée qui te vient à l'esprit. En gros, tu commences à te dire tout ce qui nous arrive et puis Exodus et puis la commandant en fait ils sont en train de se foutre de notre gueule en vrai, parce que on nous fait croire que on a notre destin en main, que on va changer tout ça, mais finalement il faut toujours être aux ordres des autres. Et tu t'as ce ressenti là qui t'est arrivé quand elle t'a fait des remontrances, tu vois, quand elle t'avait fait ces espèces de remontrances sur ta façon de gérer les choses et tout. C'est ça. Et ouais, ça t'énerve quand même, franchement. T'es saoulé et tu te dis mais on contrôle rien, c'est eux, et encore une fois, on va se faire contrôler, c'est dégueulasse. Et tu sens cette colère qui monte, tu vois, que t'arrives pas à gérer en fait. Tu vas me faire un jet de mental. Bon, j'ai fait 12, hein, mais j'avais fait 1 mon précédent jet, hein, je tiens à le rappeler. Hein. Oui, oui, oui. Bon, j'ai 10. Ça commence à monter. Franchement, tu sens que Tu commences à t'énerver, tu tapes sur la console en disant non, c'est dégueulasse, moi je suis pas venu pour ça. T'es vraiment remonté, quoi. C'est pas possible. Tu laisseras pas les gens contrôler ta vie. Et, c'est ça, là. Dictature socialiste, là. En plus, là, cette Wong, ça vient d'où, ça? On sait d'où est-ce que ça vient. Évidemment. Bah, bien évidemment. Alors, moi, je suis venu pour une entreprise libertarienne dans l'idée des pères fondateurs et pas certainement pour être au d'un putain de communiste. Alors, c'est pas ça qui va me faire que... Hein, parce que moi, je sais qu'on me cache des choses. Hein, et j'obéis personne, moi. Et c'est là que tu as une pensée qui arrive et que tu dis que là, aujourd'hui, maintenant, en cet instant... C'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui gères. Parce qu'il n'y a personne ici sur le vaisseau, même pas Wade qui n'est pas avec toi. Tu es la personne qui tient la vie de tout le monde dans ta main. Et si tu décides que les gens ils vont tous mourir, eh ben, c'est toi qui le décides. Et cette pensée, en fait, elle grandit en toi, elle germe, elle va. Et puis, plus ça va, et plus tu es submergé par ce pouvoir que tu détiens sur la vie des gens. Et tu décides, parce que tu as le pouvoir, parce que c'est toi qui décides de faire tout ça, et ben, de tout éteindre, de couper toute l'énergie, d'arrêter le vaisseau et de dire voilà, et ben, si c'est moi qui décide, on arrête tout. Fais-moi quand même un jet mental juste pour voir si cette pensée elle va arriver, tu vas la contrôler vraiment ou pas du tout. 10 et j'ai 10. Elle est présente. Tu sais que tu peux le faire. Et quelque part, tu dois le faire. Ça a fait du sens. Que tu veux contrôler ta vie. Et ta vie, c'est de décider quand ça s'arrête. Et celle des autres aussi. Donc tu commences à couper certaines choses. Après, tu coupes pas forcément tout. Mais il y a certains compartiments du vaisseau que tu teintes petit à petit. Tu sais pas forcément ce que t'éteins, mais t'éteins. De ton côté, Wade, t'es en train de bosser dans ta salle d'entraînement. Et tu commences à avoir une pensée qui vient de te dire ça se trouve, son vaisseau, ils se sont fait tuer et je la reverrai jamais. Enfin, ils m'ont caché ça quand même. Enfin, je veux dire, j'ai toujours essayé de savoir où elle était. On m'a toujours mis des bâtons dans les roues. Et maintenant, ça se trouve, je la verrai plus jamais. Ou ça se trouve, elle est déjà morte. Fais-moi un jet de mental. 10. J'ai 19. T'arrives quand même à reprendre un peu tes esprits, t'arrives à gérer cette émotion qui arrive quand même si tu sens que c'est assez fort, t'as l'impression que c'est bizarre en fait. Tu te sens bizarre, tu te sens... C'est pas toi en fait. C'est pas le genre de truc que tu penses forcément. Il y a des trucs qui vont... Tu te sens bizarre. Mais au moment où tu t'en rends compte, en fait, où tu vois ça, la lumière dans la salle où tu es en train de t'entraîner s'éteint. Tu as les loupiottes d'urgence rouges qui indiquent les sorties de secours qui commencent à s'allumer. Et t'es plongé dans le noir. Qu'est-ce que tu fais? Les trucs pour communiquer dans le vaisseau, on les a sur nous ou c'est un truc dans la pièce où Tu peux avoir des petites consoles au niveau des portes ou voilà. Ok. Voilà. Je vais aller vers une des portes et je vais essayer d'activer ça et. Alors quand t'essayes de le faire, rien ne se passe. Merde. J'essaye d'ouvrir la porte du coup pour sortir. Alors tu vois que c'est locké. Il y a une espèce de voyant rouge comme quoi la porte est loquée en fait. Et donc c'est des vérins, c'est des trucs hydrauliques. Donc comme ça là tu te dis à la main ça va être compliqué de l'ouvrir. Et peut-être dans la pièce il y a des trucs mais pour l'instant tu t'es enfermé littéralement. Il n'y a pas d'autre sortie, j'imagine. Il n'y a pas de sortie de secours ou que ce soit. Non. Après, il y a cette console qui est toujours. Enfin, elle ne te t'autorise pas à pouvoir discuter, mais elle est toujours fonctionnelle. Elle est comme presque en veille, en fait, au final. D'accord. Je vais essayer de forcer mes permissions en hackant la porte, en fait. Enfin, la console. Ok. Du coup, tu vas me faire un test d'informatique. Et hacking, je crois que tu as hacking, il me semble, non? Ouais, j'ai hacking. Ouais. 26. Normalement, c'est bon. Ouais, alors tu commences à faire tout ton truc. Ça se goupille bien, tu sais que bon, tu vas pouvoir débloquer ça. Et au moment où tu vas pour réussir, tu as une nouvelle pensée qui commence à arriver, et plus forte que celle d'avant, où ça te dit, enfin tu te dis, mais ils m'ont menti depuis le début. Enfin, c'est quoi cette société où ils veulent fonder un truc, une nouvelle société plus juste, plus machin, et basée sur quoi? Sur le mensonge, basée sur le fait qu'on sépare les familles, que on veut créer quoi? On va créer rien du tout avec ça. Ça va être que le chaos. On va être dirigé par des élites. On a déjà des grades, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reproduit encore la même chose. À quoi ça sert de faire ça pour baser ça sur le meurtre, sur le mensonge? Et du coup, t'as cette poussée là, tu vas me faire un jet de mental. 5, imperturbable. Encore une fois, là tu tiens la tête. Et tu sais, comme si t'avais un flou, les yeux qui, tu sais, qui étaient flous, tu comprends pas trop ce qui t'arrive, tu luttes un peu contre toi-même. C'est ça, c'est ça. Tant pis si le monde qu'on va créer, ce sera le même que celui d'avant. J'ai fait une première partie de ma vie sans avoir le choix, je peux faire le reste sans choix. Le plus important, c'est que je suis là pour que les gens restent en vie. C'est ce que j'essaie de dire. Bah écoute, sur ça, tu vois la porte qui s'ouvre et tu arrives du coup dans un couloir qui est lui aussi éteint, avec des loupiottes de partout. Tu avances, tu vois pas très bien, tu vois, c'est très sombre. Ok. Dans le couloir. Je vais essayer d'aller le plus vite possible dans le noir de cette pièce-là jusqu'à la passerelle. Parce que j'imagine que c'est un des chemins que j'ai fait le plus souvent, vu que c'est littéralement les deux pièces où je vis en dehors de la chambre. Alors là, en gros, toi, tu es dans la zone d'équipage, en gros, hein, donc c'est la zone en gravité. Tu te fais un chemin jusqu'à une zone sans gravité, et donc tu t'équipes après, dès que tu pourras t'équiper de bottes magnétiques et tout ça. Tu commences à avancer, tu vois que bon, t'arrives à certains sas qui sont eux aussi fermés. Tu refais la même chose, hein, le hacking. Donc je te fais pas faire des hacks à chaque fois. Donc tu passes plusieurs sas et finalement tu arrives au dernier sas, là où tu peux t'équiper. T'as pas encore franchi pour l'instant la zone sans gravité. T'es toujours avec de la gravité, mais t'es en train de t'équiper. Richard, tu es toujours dans tes pensées, tu es harcelé de pensées de plus en plus fortes sur le pouvoir que tu détiens sur l'équipage aujourd'hui. Tu as finalement à l'heure actuelle plus de pouvoir que le commandant elle-même et que tu as dans tes mains la vie de quasiment plus de 20 millions de personnes. Tu es surpuissant, en gros. Et tu te dis que tu laisses faire les choses telles qu'on t'a demandé de le faire, eh bien, tu vas redevenir un moins que rien, tu vas redevenir un parmi tant d'autres, et que finalement, personne ne se souviendra de toi, et tu seras un larbin. Autant tout arrêter maintenant, et tu mourras en maître. Tu me fais un gel mental. 14. Sur 10. La pensée, finalement, vient à bout de la petite résistance que tu faisais encore. Et là, tu décides vraiment de quasiment tout couper. Tout ce que tu peux couper, hein, parce que tu as quand même des choses de sécurité. Mais de fait de ta compétence de maintenance, tu arrives à passer quelques trucs pour chanter. Et tu coupes. À ce moment-là, le mouvement de la roue qui coupe littéralement la gravité dans l'espace d'équipage. Tu éteins le système de sécurité du vaisseau, donc plus de système de défense. Tu commences à couper aussi la gestion du flux de l'azote qui alimente en gros tout le vaisseau et notamment les caissons de l'équipage et des 20 millions de personnes qui sont à l'intérieur. Tu coupes aussi en gros la gestion des serres du Space 5 qui fait qu'elles ne sont plus alimentées en eau et en fluide. Du coup, elles vont mourir à un moment donné de faim en fait, et voilà, et de soif. Et finalement, tu te dis, voilà, c'est ça, c'est moi le grand patron, c'est moi qui gère. Et du coup, si tu veux, je te laisse un petit peu me faire un petit RP de ton personnage comme il est en ce moment même. Elle est en train de penser que le vaisseau est dirigé par des communistes qui veulent l'empêcher de réaliser son rêve de libre entreprise, et que c'est pour ça. Et que là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de libérer les gens de toute façon, et que ça va accoucher sur une société plus juste, et que de toute façon, c'est voilà, c'est trop bien. Voilà, il pète un câble, quoi. Voilà. Ok, bah du coup, c'est ce que tu fais, et finalement, tu as un sourire béat à ton action. Et tu sais que tu fais les choses pour le bien de tous. et que tu ne laisseras pas l'humanité telle qu'ils veulent la faire arriver, autant s'arrêter là, tout de suite. C'est le moment où toi, bah, du coup, Wade, toi qui t'apprêtes, tu venais juste de mettre à l'instant tes bottes de magnétiques, et d'un coup, tu sens un mouvement qui... Il y a un grand bruit, tu sens une grosse vibration au niveau du sol, et d'un coup, tu te sens en apesanteur. J'active mes bottes de magnétisme. Donc, avant de quitter vraiment le sol, tu as juste le temps de... Et plaf, tes bottes se collent au sol. Et donc, tu te rends compte que la roue vient de s'arrêter. Il n'y a plus de gravité dans la zone d'équipage. Ok. Bon, là, je commence à me dire quand même que c'est plus juste une petite malfonction et quelque chose de grave qui se passe. Parce que du coup, ça a l'air d'être généralisé partout. Il y a des problèmes dans tous les sens. Donc je vais essayer de me presser un maximum pour traverser tout ça vers la passerelle. Ok, donc tu commences à passer le truc et vers un moment donné, en fait tu n'arrives pas, il y a un sas qui est beaucoup plus compliqué que les autres à passer. Et tu te rappelles que tu as appris dans ta formation une procédure d'urgence absolue. Genre, si quelque chose comme ça venait à arriver, et tu t'apprêtes à, du coup, à la mettre en place. Tu t'arrives devant une petite console qui est juste devant le SAS, et tu t'apprêtes à venir dessus. Tu vas me faire un petit jet d'informatique. Ouais. 12. 12. Tu commences à faire ton machin et tout, et d'un coup, au moment donné, tu as une alarme qui se met en route. Et ça commence à gueuler de ouf dans toute la zone. Et en fait, sans t'en rendre compte, sans savoir comment tu peux pas l'expliquer, en fait, ton cerveau, il se... Et tu passes mécaniquement en mode nettoyeur. C'est-à-dire que tu n'as plus de... Tu ne réfléchis plus. Ton cerveau est en automatique. Et tu commences à faire des choses que... En fait, limite, tu t'en rends même pas compte, tu ne dépenses pas. Et tu passes tous les sas, tout s'ouvre, machin, et tu ne perçois rien autour de toi, il ne se passe rien du tout. Et tu arrives dans la zone, il y a Wade, il y a Richard, pardon, qui est présent, qui est le sourire béat, voilà, et qui est dos à toi, il te voit pas arriver. Et tu le calcules même pas, il n'existe pas pour toi. Tu sais que tu as une seule chose à faire, c'est te diriger... pour résoudre le problème, réactiver le vaisseau, réactiver les défenses et défendre la vie de tout le monde. Donc tu te diriges directement vers la console, du vaisseau, et tu me fais donc un test d'informatique. 66. C'est bon, voilà. Tu fais une série, ça prend... Faut même pas une minute ou deux, hein. Tu fais ça tellement mécaniquement que ça va super vite. Et là, un à un, les systèmes se remettent en route, la roue se remet en route, les lumières reviennent, tu vois, tout se remet en route. Et c'est le moment où toi, Richard, tu commences à t'affoler, tu remarques que tout se remet en route, tu comprends pas ce qui est en train de se passer. Donc tu regardes et finalement tu vois Wade qui est en face de toi, qui est en train finalement de t'empêcher de faire ce que tu veux, c'est-à-dire empêcher ce truc horrible. C'est ton ennemi. Tu ne peux pas le laisser faire. Il faut arrêter ça. Il faut l'arrêter. Qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas, je saute dessus. Tu sautes dessus. Tu vois en fait que bizarrement, il te calcule pas vraiment. Au bout d'un moment, quand tu commences à arriver vraiment dans sa zone... tu vois qu'il tourne la tête, il est inexpressif, il a une tête vraiment de robot, quoi. Et donc, tu vas me faire un test, du coup, Richard, puisque c'est toi qui te lance là-dedans. Tu vas faire un test de combat. 26. Ok. Wade, tu vois arriver Richard, même si toi, tu es en mode nettoyeur, donc tu n'as pas conscience des choses, tu sais juste que ton toi qui est en conscience voit un danger, du coup, il va naturellement se défendre. Et donc, tu vas faire du coup un test de combat avec de la survie, de la chasse-survie. Et comme tu es sans émotion, eh bien, et que tu es programmé pour faire ce que tu fais, je te donne 10 de plus. Ah oui, d'accord. 60. Donc 45, 55, 65. Donc j'ai 60 sur 65. Ouais. Tu as Richard qui vient te frapper et toi tu as le temps. En gros, tu arrives à contrer quasiment mécaniquement ce qu'il est en train de faire. Et donc vous faites face à face. Et maintenant, ben, en gros, un combat vraiment pure souche va se mettre en place, puisque d'un côté, ben, t'as Richard qui essaye de défoncer et Wade qui essaye de se défendre. Et là, pour essayer d'être assez rapide là-dedans, eh bien, on va faire à le meilleur des deux. Donc, chacun fait un test de combat. Donc, pareil, avec les mêmes paramètres que juste avant. Eh ben, il se trouve que être un nettoyeur, c'est pas très efficace parce que j'ai fait 96. Tandis que moi, j'ai fait 24. Ok. Eh bien, Richard, tu commences à prendre le dessus sur ton camarade, le nettoyeur qui ne voit pas grand-chose finalement. Tu arrives à lui asséner un coup, il commence à tomber. Enfin, il va pour tomber au sol, mais bon, la chance pour lui, c'est que vous avez vos bottes, hein, finalement. Donc tu prends un sale coup au visage, ça te sonne, et tu vois finalement Richard qui... Est-ce que tu veux continuer dans l'attaque ou tout de suite prendre les commandes pour essayer de tout arrêter? Tu continues pour le finishim ou tu dis oh, c'est bon, je l'ai poussé, maintenant je fais mon truc? Je sais pas, j'ai pas envie de. Enfin, peut-être un jet de mental pour savoir. Vas-y, fais-moi un jet de mental. C'est une chance sur deux. Alors en gros, si tu échoues à ton jet de mental, tu seras plus obnubilé par la destruction du vaisseau que. Par la mort tu es... de ton camarade. Ok. Réussir à mourir. Tu ignores totalement. En fait, t'as fait le nécessaire. Tu l'as balancé. Et il était reculé. Et toi, la première chose que t'as fait, en gros, c'est vraiment te replonger dans l'ordinateur. Et tu commences à tapoter les trucs et tout ça. De ton côté, Wade, tu t'as été envoyé valser. T'es un peu groggy. Mais finalement, toi aussi, il faut que tu fasses ton job. Donc, okay. tu vas attaquer, tu vas essayer de reprendre le contrôle. Ce que je vais faire, ouais, c'est que je vais du coup me relever, entre guillemets, vu que j'avais des bottes de gravité, je suis debout, mais genre je vais me remettre droit. Et je pense que je vais... J'imagine que, je sais pas si c'est moi qui bosse, mais genre que Dan, par exemple, regardait un peu tout ça, il avait quand même un peu ses outils et tous les trucs sur lesquels il bossait sur son congélo à côté, tu vois. Je vais juste choper une des pièces, un truc comme ça, et je vais aller le taper avec à l'arrière du crâne pour aller le foutre directement KO d'un coup. Ok, d'accord. Pas le buter, évidemment, parce que voilà. Tu vois effectivement que ton camarade, en fait, il est vraiment obnubilé par la console, et donc toi, ça te laisse libre accès à ce que tu dis. Et donc tu viens et tu vas me faire un jet de combat. Mais étant donné que il ne te regarde pas, il est obnubilé et tout. Bon, en gros, je te laisse. Voilà, t'as 80. Eh ben, j'ai fait 80. Eh ben, écoute, c'est suffisant. Juste il faut. Parfaitement maîtrisé. Il y a pas de mort. Bim. Si t'avais fait un échec critique, t'aurais pu le tuer. Non, je l'aurais pas, mais t'aurais été gravement blessé. Du coup, tu lui mets un coup et là, bim! C'est le chaos technique pour notre très cher Richard qui s'effondre. Qui s'effondre, oui et non. En gros, ses bras commencent à flotter en l'air et il est en relâchement total. Ce qui te laisse, toi, l'opportunité de, eh bien, de pousser littéralement ton camarade et te remettre sur la console et tout remettre en route. Il n'avait pas eu le temps de faire grand-chose, ça a été très rapide. Finalement, eh bien, tu commences à réactiver le système de défense. Et finalement, tu vois que sur panneau de radar, le ping, eh bien, il est à quasiment 800 mètres de votre vaisseau. Il est juste à côté, tu vois un point, il y a des loupiotes qui commencent à se mettre en route, ça gueule dans tous les sens. Tu as le système de défense qui te fait alerte, alerte, alerte, alerte. Et en gros, c'est séquence de tir acceptée ou pas. Que j'imagine que... Accepté. Donc tu appuies sur le oui de accepter. Tu as les tourelles qui commencent à se placer. Et il y a plusieurs détonations qui commencent à s'entendre. Et d'un coup, une explosion. Alors, forcément, dans l'espace, il n'y a pas de son, hein, mais tu vois une lumière intense qui se fait voir. Et d'un coup, en gros, tu reprends littéralement tes esprits. Tu reviens à toi. Tu as fait les choses sans t'en rendre compte. Tu sais pas du tout, tu sais même pas qu'est-ce que tu fous là. Et tu vois, en gros, ton camarade qui est assommé, les mains en l'air comme ça dans la truc, et tu te rends pas compte de ce qui vient de se passer. Ok, j'ai quand même conscience qu'il y avait un vaisseau juste à côté. Oui, alors j'ai conscience de ce qui s'est passé techniquement. T'as conscience, t'as un souvenir résiduel un souvenir très éloigné de ce qui s'est passé. Après, t'as le souvenir de ce qui s'est passé avant que tu perdes, que tu te mettes en mode nettoyeur. Donc, s'il y avait une urgence très importante, donc tu te doutes de ce qui s'est passé. Mais par contre, c'est très flou dans comment ça s'est passé et pourquoi c'est comme ça en fait. Pourquoi t'es là? Pourquoi Richard il est comme ça? C'est comme si un lendemain de cuite, t'as mal au crâne, tu sais pas trop ce qui s'est passé. T'as des résidus quoi. Ok. Et tu vois ton camarade qui est comme ça. Ok, mais du coup, sachant pas trop vraiment pourquoi il y a tout ça, je pense que, comme tu l'as dit, je suis un peu en situation de cuite, et du coup, je vais juste faire ce que mon personnage fait habituellement quand il est dans une situation où il comprend pas trop et où il est en cuite. Je pense qu'il va faire une blague en regardant Dan qui flotte comme ça, et il va dire... Ah, il semblerait que notre vie maintenant, c'est juste tomber inconscient à chaque fois qu'on se réveille ici. Et je vais essayer de le prendre au col et d'essayer de le secouer gentiment pour voir si je peux le réveiller parce que du coup je sais pas. Dan, tu vois qu'il revient, il commence à revenir à lui. Tu vois qu'il a une trace de un peu de sang, il y a un peu de sang sur le haut de sa tête. Dan, je sais pas si t'as réussi à faire rentrer de l'alcool de manière illégale finalement, mais je crois que je t'ai frappé. Est-ce que j'ai souvenir de ce qui s'est passé ou pas? Alors par contre, toi, contrairement à Wade, qui lui, quand il est passé en mode nettoyeur, c'est vraiment en mode automatique, son cerveau s'est mis en mode sans échec. Voilà. Toi, en fait, toutes les pensées que tu as eues, tous les ressentis que tu as eues jusqu'à présent, tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles, tu te vois, tu te souviens avoir attaqué ton camarade, mais l'émotion, en gros, tout ce que tu avais ressenti, tout ce qui t'a poussé à faire ça, tu la comprends. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Ça, tu comprends pas pourquoi t'as fait ça. Mais bah, dans ce cas, j'imagine que je réponds pas trop, que je suis plutôt bouche bée, à pas trop comprendre ce qui vient de se passer, un regard à moitié béant. Je crois que je vais déjà le lâcher, hein, le laisser tranquille. Et je vais me tourner vers l'ordinateur pour vérifier si le vaisseau est là ou pas. Alors quand tu tournes vers l'ordinateur, tu vois que l'ultraviolet, en fait, il s'est désactivé. Et que sur les capteurs, tu as des détections multiples mais normal, quoi. Il n'y a pas besoin de l'ultraviolet pour le voir. C'est plein de débris, c'est ça? Et au moment où tu tournes la tête vers, en gros, l'observatoire de la passerelle, donc qui est à 360 degrés, hein, tu vois partout, que tu vois plusieurs débris qui flottent dans l'air. Et là, tu vois un vaisseau qui, a priori, qui était de prime abord en forme d'ogive, qui était assez long, très, très imposant, et qui est détruit en plusieurs morceaux, quasiment trois gros morceaux, et puis plein de petits débris de partout, et qui est sur votre côté gauche, là, quand vous regardez droit devant vous, il est sur la gauche. Et les morceaux se détachent, tu vois, les uns des autres. Alors, je suis pas certain de ce qui s'est passé, mais je pense qu'on a gagné. Le vaisseau. Oui, je pense que c'était les envahisseurs. Enfin, c'est nous les envahisseurs, techniquement. Je suis pas vraiment d'accord, mais... ouais, écoute, je vais aller me coucher, là. Je suis pas... Ouais, peut-être prendre la glace pour derrière la tête. Ok. Tu remarques, Wade, que tous les débris vont un peu en s'éloignant du vaisseau. Mais il y en a un qui est plus petit que les autres, qui commence à faire le chemin vers vous. Mais qui est vraiment petit, quoi. Enfin, c'est le mouvement, en fait, à l'opposé de ce que font les autres. Et une petite surface, un débris, je sais pas, mais un truc qui se rapproche du vaisseau. Et attends, on a un truc sur quoi il faut tirer. Est-ce que je peux activer les canons pour tirer dessus? Alors, tu vas pour le faire et tu te rends compte que, en fait, la chose qui est en train de venir vers vous est tellement petite par rapport à la taille de votre vaisseau, hein, que finalement, pour les tourelles, c'est quasiment impossible à viser parce que, en fait, il y a tellement du débris dans tous les sens que viser un truc en particulier, dont ça, le temps qu'ils arrivent à acquérir, arrivent à loquer la cible, en gros, elle sera déjà trop proche pour qu'ils puissent tirer eux de dessus, quoi. Donc, en gros, tu sais qu'il y a de fortes chances qu'il est possible que cette chose arrive en contact du vaisseau. Et selon toutes les vraisemblances, il va arriver dans une zone de rayonnage, là où il y a des choses entreposées, et il viendrait dans cette direction. D'accord. Dan, c'est pas le moment de dormir. On va entrer en impact avec ce qui reste du vaisseau. On fait quoi? Je sais pas. Je vais me rendre sur place, moi, en tout cas. Alors, vous savez que vous avez des fusils à aiguille, hein, ce sont des fusils, en gros, tu t'es déjà entraîné avec, hein, avec en fait des aiguilles dans un acier, un alliage ultra résistant qui passe à travers l'acier, même okay. Le plus gros des aciers super machin. Donc, ils s'en servent pour tirer. Il n'y a pas de munitions, il n'y a pas de balles, en soi, il n'y a pas de poudre, c'est vraiment juste des aiguilles perforantes. Donc c'est ça vos armes, et après avec ça vous pouvez à la limite peut-être vous défendre si vous voyez quelque chose. Selon toute vraisemblance, ce qui est en train d'arriver sur vous serait en forme d'ogive également, et ferait à peu près dans les 2,50 m de long. Ok, je vais pour me rendre sur place en prenant des armes, une arme qui va avec, et je sais pas ce que veut faire Dan. Fais-moi un jet d'intelligence. Ouais. 15, ça ne marche pas parce que j'ai 10. Ouais. Ok, ça marche. Bon, ben non, tant pis. Donc, tu commences à te rendre dans la zone. Tu sais à peu près où il va arriver. Donc, voilà. Et en moment, tu arrives dans a priori la salle où il va se mettre. Et tu vois qu'il y a une zone dans la pièce qui commence à rougeoyer. Qui commence à devenir plus rouge et dans un cercle parfait, comme si a priori il serait en train de percer la coque. Sauf que tu sais que s'il fait ça, en gros tout l'oxygène va être aspiré et ce sera une pièce complètement dépressurisée. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Alors. Non, il faut pas que je fasse ça. Désolé. C'est mon instinct autodestructeur. Il y a quoi dans cette pièce-là de rayonnage ? Oh, c'est principalement... Il y a des outils, des composants électroniques, plein de choses. En fait, c'est des zones de stockage où tu peux changer des composants. C'est là où vous venez chercher quand il y a un truc à changer. Vous le prenez là et vous le changez, en fait. D'accord. Et ça marche comment, genre ? C'est des caisses qui sont posées au sol ou elles aussi, elles sont magnétiquement accrochées en cas de... Alors, en fait, tu as des grands racks qui sont sur les côtés, et donc les choses sont posées sur les racks, et en gros tu as quand tu as besoin, en gros c'est des espèces de trucs sur des rails qui fait juste hop, qui chope le truc et qui te le ramène après. Okay. Mais c'est pas magnétiquement accroché. Non, en fait c'est coincé, ça se coince automatiquement. Voilà. Bon, on va partir du principe que ça va résister. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, vu qu'on est dans une pièce comme ça avec plein d'outils et ce genre de choses, je vais très vite aller genre me choper des espèces de câbles en ferraille ou des trucs comme ça. Ouais. Et genre m'accrocher moi avec à un des objets, à un des poteaux ou un truc comme ça. Ouais. Et j'imagine qu'il y a des masques, c'est des trucs d'oxygène, des trucs comme ça peut-être. Non, oui, après tu as des combinaisons extra, enfin, extra-véhicule, enfin, là, extra-véhiculaire, okay. Je ne sais plus comment on appelle ça. Ah oui, on en a porté pour quand il y avait les problèmes. Voilà, donc ce que je me demandais, c'est si on l'avait dans toutes les pièces ou pas, mais ouais. Non, mais tu peux, c'est comme tu es au niveau de la passerelle, en gros, okay, est à l'extérieur de la zone de gravité, tu peux avoir accès à dehors, donc tu peux très vite, au passage, t'habiller et foncer, t'équiper. Bah, du coup, je me mets dans une tenue comme ça, je m'accroche, comme j'ai dit, avec le câble, et je vais me poser comme... Du coup, en restant accroché, je vais viser dans la direction où il y a le truc qui va s'ouvrir, et en fait, je me prépare à ce que tout se dépressurise et à commencer à tirer sur la première chose que je vois à travers le trou. Du coup, tu fais ça, effectivement, tu t'accroches et tout, tu es là, et au bout d'un moment, effectivement, le rond parfait se découpe et la tôle tombe. Sauf que, finalement, la dépressurisation ne se fait pas forcément parce que tu vois que, en fait, la capsule, enfin, le truc qui est arrivé en ogive, s'est connecté directement à ce trou. Donc comme si c'était l'entrée de quelque chose. Et tu ne vois pas à l'intérieur, tu vois, c'est sombre. Parce que du coup, quand la pièce s'est mise en défaut, parce que la structure de la coque a été toute la pièce s'est mise en sécurité. Derrière toi, les sas se sont fermés pour protéger l'intégrité du vaisseau. Donc la zone s'est éteinte et mise en mode sécurité. Donc tu as les loupiottes partout, ça fait des bip bip dans tous les sens. Et tu as cette structure qui s'est mise en mode quasiment en mode ventouse. Et tu as ce trou que tu vois qui donne a priori sur l'intérieur de ce qui est rentré. Mais tu vois pas à l'intérieur. Okay. Qu'est-ce que tu fais ? Je reste comme ça, face, et en fait, je vais activer la communication de ma combinaison, parce que j'imagine qu'il y en a une. Ouais. Et je dis, Dan, tu peux réactiver les lumières dans ma pièce ? Mais à fond. Ok. Bah oui, je fais ça. Ok, donc tu réactives les lumières, et tu vois que finalement, t'as juste un début de quelque chose. Dans la zone, ça s'est éclairci un petit peu à l'entrée de cette capsule, enfin de ce machin. Mais tu vois pas forcément très très loin. C'est bizarre. C'est tu comprends pas trop. Mais tu vois quelque chose qui commence à bouger dans la zone de lumière que tu vois. Il y a quelque chose qui est en train de se déplacer. Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y. Hein. Si vous êtes une forme de vie intelligente, retournez de là où vous venez. Il n'y a pas de réaction. Ça bouge encore un petit peu plus. Dernière sommation. Au nom de la bonne entente entre espèces intelligentes. Rien. Tu sens que ça commence à te picoter au niveau de la tête. Tu ressens comme si tu avais une pression, quelque chose dans la tête. Tu sens que tu es proche du malaise. Ok, tu l'auras voulu, vieux ténia de l'espace. Je vais défaire le câble qui m'attache, en fait. Je vais l'approcher au dard, c'est avec lequel je peux tirer. Ouais. Et je vais tirer directement, comme ça il aura un câble accroché à lui, quoi qu'il se passe, sur le truc qui bouge dans, le, dans l'ombre là. Je vais tirer directement dessus. Ok, donc tu fais un jet de combat. Voilà. En gros, l'idée, je sais pas si j'ai été clair, mais c'est que le dard qui va être planté, il soit quand même accroché au câble. Oui, tu fais un harpon, quoi. Lui, voilà, qui lui est toujours accroché au poteau. C'est moi qui suis plus accroché, du coup. D'accord. Comme ça, j'essaye de le bloquer dans cette pièce, si, même s'il me bute. 56. Je sais pas si c'est bon. Alors, du coup... 45. Non, c'est pas bon. Combat 45. Eh bien, du coup, tu voulais essayer de tirer sur lui pour essayer de le bloquer, de machin, et finalement, ta pointe en acier, en gros, vient rentrer dans l'appareil, et tu vois que elle traverse la structure et elle perce un trou, et d'un coup, tu vois un... Et finalement, tu te rends compte que le véhicule, en fait, ce qui était là, permettait à ce que l'atmosphère soit toujours bonne. Et là, c'est vraiment dépressurisé. D'un coup, tu sens que toi, t'es happé. Tu commences à être happé, tu commences à être tiré un petit peu vers l'extérieur. Et du coup, est-ce que tu peux essayer de t'accrocher quelque chose? Tu fais quoi? Bah, du coup... Parce que t'es plus accroché, tu m'as dit. Ouais, moi, je suis plus accroché, du coup. Mais du coup, j'imagine qu'il y a toujours un peu... Il y a le câble entre, du coup, le poteau et la structure, vu que le truc est passé dedans. Exactement, exactement. Je vais essayer de passer ma main sur le câble, essayer de l'enrouler autour de ma main. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, fais-moi un jet de force pour savoir place. Si t'arrives à bien tenir et à te retenir. 3. Ok, bah, tu... Sans problème, en fait, tu réagis très rapidement, tu chopes le câble, tu commences à te tenir... Et en gros, tu vois que la pièce, maintenant qu'il y a une déperdition, eh bien, il y a une espèce de gel qui commence à s'écouler, qui suinte, en gros, au niveau d'une des parois, là où il y a le trou, et qui vient s'écouler tout doucement. Et au moment où ça va pour recouvrir la surface en entier, tu vois que y a quelque chose vient de tomber à l'intérieur du vaisseau. Quelque chose de la taille d'un point qui vient de tomber dans le vaisseau au moment où le gel, en gros, fait un sparadrap de fortune hein, au coup... niveau de la zone. Et du coup, tu... Histoire d'être sûr. Oui. Excuse-moi, mais le gel, c'est une technologie à nous, c'est ça? Oui, c'est un truc qui coule, qui gèle, et en fait, ça vient recouvrir et sécher, en gros, pour en fait, comme faire un bouchon, en fait. D'accord. Faire un bouchon là où il y a la dépressurisation. D'accord. Et juste avant que la pièce redevienne à peu près stable, où tu sois plus, et bien il y a quelque chose qui vient de tomber au sol, la taille d'un point. Ok. Est-ce que je peux recharger mon arme? Oui, t'as plusieurs aiguilles. Hein. Ok. Mais je la charge et je pense que je vais tirer dessus. C'est peut-être une grenade, mais je vais tirer dessus. On sait jamais. Je sais pas ce que c'est, alors je tire. Alors par contre, dis-toi bien que tout ce que tu tires, c'est capable de transpercer la coque. Bah oui, c'est ultra perforant hein, comme truc. Donc si jamais tu te loupes ou tu le tires dessus, et bah, tu vas perforer le sol, par exemple. Alors après... Okay. Mais il y a une pièce en dessous. On est d'accord. Hein? Il y a une pièce en dessous. Oui, il y a de la profondeur, mais bon, tu. Okay, ça va. Alors, je tire pas dans l'espace à nouveau. Ouais. Bon bah tu moi un test de combat alors pour savoir si t'arrives à le viser. Tu te rapproches un peu, tu fais quoi? Tu fais vraiment ça parce que là je suis toujours accroché à 20 mètres. Hein. J'imagine que je me laisse glisser, j'avance en tenant toujours le câble dans ma main, tu sais pour au cas où la dépressurisation à nouveau pas partir à toute vitesse. D'accord. Et... Je me rapproche et je tire. 50. Cette fois-ci, normalement, ça passe. Bah, tu vois que la pointe commence à arriver dessus. Elle frappe ce qui, a priori, est tombé. Mmh. Et ça le transperce. Mais ça comment dire ça le traverse pas littéralement. Ça se plante dedans, mais ça reste coincé à l'intérieur. Mmh. Et rien ne se passe. Il n'y a pas de. Ça bouge pas, ça fait rien. Ça bouge pas. Richard, parce que quand même, on va te faire faire quelque chose. Pendant ce temps-là, toi, tu fais quoi? Est-ce que je peux l'aider d'une quelconque manière? Comment je pourrais l'aider? Alors, est-ce que tu peux effectivement regarder un petit peu les rapports, parce que vous avez eu les rapports de ce qui s'est passé avec l'Esperanza 64 lors de leur attaque à eux. Donc, tu as dans l'ordinateur les rapports de ce qu'ont laissé, qu'ont expliqué les personnes qui ont réussi à sauver leur vaisseau. Bah, dans ce cas-là, ok, si c'est le seul truc que j'ai, je vais les lire, je vais voir ce que ça donne. Du coup, tu te rends compte que en parcourant un petit peu ça, ils ont eu à peu près le même genre d'attaque que vous. A priori, ce qui est venu en contact avec votre vaisseau serait une capsule de sauvetage qui était ou à l'intérieur vivait en gros les fameux aliens. Qui sont à peu près de la taille d'un point. Et que. Et qui sont, comme on vous l'avait mentionné, ils seraient apparentés à des. Tardigrades. Tardigrades, merci. Et que quand eux sont venus, a priori, le tardigrade s'est mis en mode sans échec, en mode défense, et il s'est figé sur place. Impossible de communiquer ou quoi que ce soit, et c'était un caillou, quoi. Ok. Donc tu peux lui transmettre. Je lui communique, mais. Apparemment, ça va se mettre en mode défense, je sais pas quoi. C'est déjà en défense. Ils disent s'ils ont pu le détruire. Parce que là, je l'ai embroché, mais je sais pas si c'est mort. A priori, eux, ils les ont mis dans un congélateur parce que ils se sont mis en mode de survie et quand ils sont à des températures extrêmes, en gros, ils s'endorment de la même manière que vous dans les caissons. Donc, tant qu'ils sont maintenus à des températures extrêmes, ils sont inoffensifs. Ils ne peuvent pas bouger. Bah, est-ce que je peux pas augmenter la climatisation de la salle, par exemple? Bah là, en fait, la salle, du fait de la dépressurisation, elle est tombée dans des moins, je sais pas combien, parce que le zéro absolu. voilà. Donc là, déjà là, a priori, il était déjà congelé. Et toi, ta combinaison, te permet de supporter ça, en fait. Soit en fait, vous savez que la commandante vous avait donné comme information, eh bien, si vous pouviez essayer de récupérer le maximum d'informations sur eux, pas forcément les détruire, mais peut-être les garder pour qu'on puisse les étudier, pour qu'on puisse en savoir plus sur la technologie, que forcément, si vous pouvez éviter de les détruire, si vous pouvez les emprisonner, ce serait mieux pour tout le monde. Bon, je crois que j'ai eu un mauvais réflexe, mais on peut toujours le garder. Il est juste embroché. Bah, au pire, jette-le dans l'espace. Hein. Je sais pas, la capitaine a dit qu'on... Ce serait bien de connaître notre ennemi. C'est l'art de la guerre, tout ça. Sous dessous. Bah, je te fais confiance, mais écoute, on peut aussi dire qu'il s'est envolé par la fenêtre, quoi. Hein. C'est toi qui vois. Alors on va le garder, je vais trouver... heureusement, c'est dans une pièce avec plein de trucs techniques. Je vais trouver une boîte pour le garder sous froid et le transporter jusqu'au labo là-dedans. Okay. Est-ce que tu prends la peine d'essayer peut-être de regarder si tu vois quelque chose à l'intérieur? Parce que là, c'est tombé de cette capsule de sauvetage. Capsule de sauvetage fait à peu près 2,50 m de long et ce qui est tombé est la taille d'un point. Ah, mais je croyais que la glu là, elle avait bloqué ce trou. En fait, elle s'est agglutinée à l'endroit où il y avait ce fameux trou, parce que du coup, la dépressurisation aspire les fluides, du coup, et l'air. D'accord, donc en fait, okay. Ce gel est venu être aspiré par le vide et en fait, c'est solidifié en gros au contact du froid intense et c'est devenu faire boucher un trou, quoi, comme tu mets une rustine sur un petit trou. D'accord. Je vais m'approcher toujours avec mon arme et je vais passer la tête dedans avec le flingue aussi en disant Vous avez intérêt de tous être endormis. Bah, a priori, tu remarques que... Et alors, je mets juste, hein, parce que là, vous pouvez voir ce que c'est, hein, un tardigrade. Hein. J'ai dévoilé une partie de ce que vous voyez, en vrai. Ah oui. Faut imaginer ce machin en boule. Et donc, tu remarques qu'à l'intérieur, il y a deux autres boules qui sont dans un coin. Et après, à l'intérieur, c'est plein de petites galeries. Tu pourrais même pas, toi, vraiment passer ton bras à l'intérieur parce que c'est comme une espèce de fourmilière. Tu vois que c'est adapté à leur taille, finalement. Et que, à l'entrée, en gros, c'est là où il y avait ces trucs-là. Et il y en a deux autres qui sont en boucle, okay. Qui sont pas tombés. Dan, je vais récupérer ce que je peux, mais il faudra qu'on travaille ensuite à séparer cette saloperie du vaisseau parce que il y en a sûrement plein dedans. Oh merde. Mais ils ont l'air d'être en sommeil, mais il faut le séparer de la structure. Bah on met une bombe. Ça risque d'être mauvais pour l'infrastructure. Je pense plutôt qu'on devrait découper autour du point d'accroche, non? Pas con. Bon, du coup, je récupère les aliens, là, je les mets dans une boîte qui les met sous vide, ou un truc comme ça. Tu sais, en les gardant à température, je sais pas. Ouais. Okay. Et je vais partir ça vers le labo. Ok. Bah, moi, du coup, je vais préparer 10 outils pour faire un coupe dans la coque, quoi, et tâcher le... D'accord. De la gueule. En fait, vous faites tout ça. Toi, de côté, vous arrivez à débloquer en gros la capsule, enfin le truc de votre vaisseau. Vous arrivez à faire une réparation quand même plutôt bonne pour stabiliser la zone. De toute façon, tant que ça s'est fermé, vous pouvez même laisser la zone telle qu'elle est là. Ça, en soi, ça gêne pas. Il n'y a pas vraiment de problème de structure majeure. Hein. C'est pas un trou qui est trop et gros pour ça. Et les aliens, tu les as gardés, tu les mets dans un congélo? Ouais, bah dans les... Je sais pas si on y a accès, mais c'est le truc scientifique de congélation dans le labo. Ouais, bah oui, y a pas de souci. Tu les mets dedans. Donc tu sais qu'ils vont pas bouger hein, parce qu'ils sont dans un truc très très froid. De là, à côté de ça, eh bien, vous faites votre rapport, savoir ce qui s'est passé. A priori, les débris ne seront pas un problème pour vous puisqu'ils sont en train de s'éloigner petit à petit. De votre vaisseau, donc il n'y aura pas de collision possible. En gros, vous avez fini le gros de la mission. Les un an et demi, enfin que vous avez passé par la suite, se sont plus ou moins bien passés. Vous avez franchi sans problème par la suite la barrière des 7 milliards de kilomètres. Pas d'activité suspecte. Vous avez pu faire tous les billards que vous voulez. Entre temps, vous avez fini par arranger le vaisseau, la paroi qui était abîmée. Tu as pu, toi, de ton côté, faire ton petit congélateur sans problème, où j'imagine que vous avez récupéré vos 5 kilos de bouffe pendant votre garde, ouais. Que vous avez du coup gardé en prévision du futur. Et 15 jours avant que vous retourniez dans vos caissons, eh bien, vous avez réveillé deux personnes qui ne sont autres que Liu Ming, qui a 22 ans, qui est une navigatrice, qui va du coup s'assurer que le vaisseau est toujours dans la bonne trajectoire, et Thomas Duclos, qui a 23 ans, qui est un gars en maintenance, que vous avez déjà côtoyé avant que vous passiez le soleil, parce qu'il n'était pas d'équipe qui s'est occupée du soleil. Hein. Vous avez un petit peu discuté de ce qui s'est passé, et eux, ils étaient plutôt rassurés de savoir qu'ils ont été réveillés, parce que ça veut dire que du coup, vous avez réussi votre mission, vous voyez qu'ils vous congratulent, enfin vraiment, c'est... voilà. Et finalement, bah, vous pouvez retourner dans vos caissons et faire un gros dodo, puisque bah, la prochaine fois, eh ben, c'est quasiment dans 6000 ans que vous allez vous réveiller. Et bah, est-ce que vous allez aussi bien vous réveiller que cette fois-ci ? J'en sais rien. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit et à la prochaine.